S'il n'y a pas de caméra, je donne pas. S'il n'y a pas de micro, mon don c'est zéro. Si c'est pas filmé, je vais m'en aller. Où sont, où sont, où sont? Où sont, où sont, où sont? Les caméras. Si je suis ici, c'est pour faire parler de moi. Il faut qu'on dise que je suis une soie. Première question, y a-t-il des journalistes? S'il y en a pas, je déglisse. Où sont, où sont, où sont les caméras? Soulager la misère, qu'est-ce que je fasse, que je parte, que je la compte, que je la compte.